tous, bienvenue au lycée Charlotte Perriand. Vous qui entrez ici, savez-vous qui était celle qui a donné son nom à notre lycée? Découvrez comment Charlotte Perriand, pionnière du design moderne, a transformé ses idées novatrices en œuvres révolutionnaires. Pour plonger dans son incroyable histoire, scannez les QR codes tout au long de ce mur. Épisode 2, ses débuts dans le monde de l'architecture. Charlotte Perriand est une architecte, designer et figure majeure du mouvement moderniste. Entre 1929 et 1937, elle vit une période particulièrement prolifique de sa carrière, marquée par des collaborations déterminantes avec Le Corbusier. Par exemple, avec des innovations audacieuses et un engagement croissant pour des idéaux sociaux et politiques. En 1929, elle collabore avec Le Corbusier et Jeanne Rey. Elle est une figure incontournable de l'équipe et crée des pièces emblématiques comme la chaise longue basculante. Charlotte Perriand introduit de nouvelles formes et de nouveaux matériaux, le verre et l'aluminium, qu'elle combine avec l'acier tubulaire pour créer une esthétique sobre. Cette esthétique reflète un équilibre entre technique et humanité. Dans les années 1920-1930, elle entame une collaboration avec Fernand Léger et Sonia Delaunay. Fernand Léger, connu pour son style cubiste, a influencé Perriand dans l'utilisation de formes géométriques et de couleurs vives. Sonia Delaunay, avec son approche du colorisme et de l'abstraction, a cherché avec Charlotte Perriand à intégrer l'art textile dans le design d'intérieur. Ensemble, ils ont exploré des concepts de modernité et de fonctionnalité, intégrant des éléments de l'art dans le design d'intérieur. L'engagement politique de Charlotte Perriand l'amène à créer la Grande Misère de Paris en 1936, à l'occasion du Salon des Arts Ménagers. Il s'agit d'un photomontage sous la forme d'une fresque de 16 mètres. Il met en valeur les revendications ouvrières comme les retraites ou les allocations. Petit à petit, elle s'intéresse au design abordable et modulable pour répondre aux besoins des classes populaires. Avec l'UAM, l'Union des artistes modernes, qu'elle rejoint à sa création en 1929. Ces nouvelles influences vont mener à des projets comme la Maison du Jeune Homme, qu'elle conçoit en 1935 pour l'Exposition universelle de Bruxelles, où elle mêle modernité et artisanat. Enfin, sa collaboration avec Le Corbusier se termine en 1936. Elle continue les collaborations, mais en s'affirmant désormais comme une créatrice à part entière. Elle poursuit en revanche toutes ses recherches pour des innovations abordables avec l'UAM. Pendant toutes ces années, elle s'est donc affirmée en tant que pionnière de l'innovation et du design moderniste.